Priscilla, Jimmy, Luan, Joey, Mickey, Vicky, Vicky, Justine, Jimmy, Laurine, Dorine, Lynn. Fait de place après minuit, présenté par notre nouveau membre, mademoiselle Priscilla.